Force un petit peu le cac, ça s'il te plaît. T'es là, chouette. Oh. Ouais, ouais, ouais. 1, 1, 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 1, 2, test. Ici. Oi. La NASA, man. Combien de croissants, combien de mots? C'est un bon ça. J'ai, oui, tal. Donne à nos rythmes, donne à nos rythmes. Ah, ouh, reste pour faire le bon, bon. Chota, chota. Dans la rythme, dans la rythme. Ah ouh, reste pour faire la bonne bonne. Chota, chota, chota. De N1, check pas dans mon point si où les faux. M'a pas besoin camarade, tiens rien avec mon défaut. De 2, attendez mon l'équipe, fais vider. Ramène ton carbone pour qu'un le point car elle va quitter. Le 3, le 4, le 5, le 6, s'enfonce dans ton coccyx. Si ou PS6, c'est-à-dire que nous les novices. Fini de retour dans l'arène avec Pangladador. Si vous écrasez le nom des morts, belle idée d'or. Donne à nos rythmes, donne à nos rythmes. Ah ouh, reste pour faire le bon bon. Chota, chota, chota, chota. Dans la rythme, dans la rythme. Ah ouh, reste pour faire le bon man. Chota, chota, chota, chota. Programme le rythme. Programme le rythme. Clic, clic. Programme le rythme. Passez qu'un shot dans la tête pour programme le rythme. Programme le rythme. Programme le rythme. Passez qu'un shot dans la tête. Parce que c'est S. Oh, elle est athée. Seule la tata est venue pour représenter. Sur la scène, mi blesse en danserie. Quand le régime le danserie. Souviens pas à l'homme, on vient pas mailler. Brûle le système babylonien. Parce que son système elle pas dans ses poussons. Mais seule la mi blesse pour les noms tout ça. La la la. Et ton verre et toi, casse le dos. C'est dans la croix, nous fait faire coco. Donne à nos rythmes, donne à nos rythmes. Ah ouh, reste pour faire le bon man. Chota, chota, chota, chota. Dans la nourritime, dans la nourritime. Ah ouh, reste pour faire le bon man. Chota, chota, chota, chota. Dans notre équipe, n'a point la place pour couteau de face. Face à moi où fait le zanti, mais dans mon dos et face à moi où sera mort. Enterré vivant de goût, très mieux coué face à où. Est-ce qu'on pense vraiment qu'on peut tenir tête face à nous? Arrête n'importe que croire encore Père Noël. Dis-toi pour si j'ai trappé dans mon box et n'est dans les boules de Noël. Putain, je me suis égaré. Ça va si dans la place, donc quitte ton calme pour m'égarer. Si dans la place, dis-moi pousse la mienne dans mon temps. Mais fais vite, m'y est pressé. Non, ma poète, tout mon temps à consacrer pour où? Ni à consacrer pour lui. Mon pipe, c'est son doudou, ça l'est consacré pour lui. Dans la nourriture. Dans la nourritime. Ah ouh, reste pour faire le bon man. Chota, chota, chota, chota. Dans la nourritime, dans la nourritime. Ah ouh, reste pour faire le bon man. Chota, chota, chota, chota. C'est bon man, monsieur, appelle à nous monsieur. Dis moi que quand ramène ta poulet, yo ta. Pas de place les pour ta. Ici c'est ghetto, ghetto nous. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Calmez. On lutte. Ah, on laisse au bec, ça c'est illégal, comment, comment, non, c'est ça.